À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, un meeting de célébration et une exposition de livres, de photos, de timbres et d'objets d'artisanat coréens ont eu lieu au Mexique et en Russie, alors que des meetings d'amitié en Roumanie et en Syrie. Dans les salles de cérémonie ont été exposées les photos sur les exploits impérissables du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, leurs œuvres classiques, ainsi que les livres, photos et timbres représentant la fière réalité de la Corée Chuché en avant de pied ferme sous la bannière de l'esprit de se renforcer soi-même avec les articles d'artisanat empreints du talent créateur du peuple coréen. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes.